Je transpirais abondamment, autrefois. Plus maintenant. Presque plus. La chaleur a augmenté, la transpiration diminuée. Ça, que je trouve si merveilleux. La façon dont l'homme s'adapte aux conditions changeantes. Tenir en l'air fatigue le bras. Pas en marchant. Seulement au repos. Voilà une observation curieuse. J'espère que tu n'as pas raté celle-là, Willy. Oh, ça me ferait de la peine que tu rates celle-là. Ah, je suis lasse de tenir cette ombrelle en l'air. Et je ne peux pas la déposer. La raison me dit, mais dépose-la, Winnie, elle ne t'aide en rien, il y a telle ou autre chose. Ah, je ne peux pas. Non. Il faut que quelque chose arrive, enfin, dans le monde. Et lieu, quelques changements, moi. Ah, moi, je ne peux pas. Willy, à moi. Ordonne-moi de la déposer, Willy, et j'obéirai sur le champ, comme je l'ai toujours fait. Par pitié. Non. Une chance que le moulin tourne. Ça que je trouve si merveilleux. Mes deux lampes, quand l'une baisse, l'autre brûle plus clair. Ah oui, de grande bonté. L'ombrelle prend feu. Elle lève les yeux, jette l'ombrelle derrière le mamelon, se renverse en arrière pour la voir se consumer. Oh, terre, vieille extincteuse. On a déjà vu ça, faut croire. Quoique je n'en ai pas souvenance. Et toi, Willy, as-tu souvenance d'avoir déjà vu ça? Sais-tu ce qu'on vient de voir, Willy? Le coma t'a repris? Lève un doigt, mon poulet, veux-tu? Si tu n'es pas tout à fait sans connaissance. On fait ça pour moi. Rien que le petit doigt, si tu n'es pas privé de sentiments. Oh, tous les cinq. Oh, tu es un ange aujourd'hui. Maintenant, je vais pouvoir continuer d'un cœur léger. Oui. Que vit-on jamais qu'on eût déjà vu? Et cependant, je me demande, dans ce brasier chaque jour plus féroce, n'est-il pas naturel que des choses prennent feu auxquelles cela n'était encore jamais arrivé? Enfin, de cette façon, je veux dire, sans qu'on y mette. Moi-même, ne finirais-je pas par fondre ou brûler? Oh, je ne dis pas forcément dans les flammes, non. Simplement réduite, petit à petit, en cendres noires. Toute cette chair visible. Et si un jour, la terre devait recouvrir mes seins, alors je n'aurais jamais vu mes seins. Personne. Jamais vu mes seins. Ça, Willy. J'espère que tu n'as pas raté ça. Je serais navrée que tu rates ça. Ce n'est pas tous les jours que j'atteins de tels sommets. Et maintenant... Le visage... Elle prend la glace et se regarde. Ça que je trouve si merveilleux. La façon dont les choses... Les choses... Si merveilleux. Elle se tourne vers le sac. Y farfouille. En sort finalement une boîte à musique.